ولا يستخفون من الله. أما الناس فهم لا يعلمون عن باطنك. الناس لا يعلمون عن باطنك ولو كنت جالسا بينهم ومن باب أولى أن لا يعلم عنك شيئا إذا اختفيت عنهم، ولكن الله تعالى يعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم إن بعض الناس إذا كان في بلاد المسلمين أظهر الإسلام، وإذا ذهب إلى بلاد الكفر تنكر ووافق الكفار على ما هم عليه، فيتلون كما تتلون الشرباء، وهذا أمر لا يجوز. والواجب على المسلم أن يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي بلد. ثانيا، هذا الحديث يدل على تعامل الإنسان بينه وبين نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا صدرت من العبد سيئة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويتبعها بحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله تمحها أي تزيلها وتكفرها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة الأمور التي يكفر الله بها الذنوب. وكذلك من حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الذنوب الصغائر. فلا تقنط من رحمة الله وبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة تجب ما قبلها. بل المشرك والكافر إذا تاب الله عليه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف بالذنب الذي هو دون الكفر والشرك؟ فلا تتعاظم الذنوب وتيأس من رحمة الله وتيأس من التوبة. تب إلى الله عز وجل، ولا يكفي التوبة باللسان، بل أتبع توبك بعمل الصالحات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتعامل مع نفسك بهذا المقياس، وأكثر من الحسنات، وتب عن السيئات، والله جل وعلا يعفو ويغفر إذا فعلت أسباب المغفرة. ثالثا، بينك وبين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، أي تعامل معهم بالمعاملة الطيبة، بالخلق الحسن، وبالكلام الطيب، وبالبشاشة، فإن ذلك مما يزرع المودة في القلوب ويؤلف بين الناس. والخلق الحسن صفة حميدة تكون في الإنسان، يمنحها الله لمن شاء من عباده. والإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة، والله جل وعلا قال في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. شهد الله له بالخلق العظيم، ولهذا تحول أعداؤه إلى أصدقاء، وصاروا من خواص أصحابه بسبب خلقه صلى الله عليه وسلم. وصاروا يدافعون ويناصحون ويجاهدون معه صلى الله عليه وسلم، وهم بالأمس كانوا من ألد الأعداء، ولكن بتعامله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس استجلبهم إلى الإسلام. وهكذا يكون الذي يدعو إلى الله بالخصوص ويكون ذا خلق حسن، فيتعامل مع الناس بالحسنى واللطافة واللين حتى يستجلبهم إلى فعل الخير وإلى التوبة إلى الله وإلى قبول الدعوة. فهذه الكلمات العظيمة منه منهج يسير عليه المسلم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع فيها خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقاربوا قليلا يا إخوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, aujourd'hui on a fait l'explication d'un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Abi Dharr al-Ghifari. Abu Dharr, Jundub ibn Junada et Mu'adh ibn Jabal, ils ont rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez Allah là où vous êtes, et faites suivre la mauvaise action par une bonne, ça va effacer cette mauvaise action, et ayez avec les gens un bon comportement, comportez-vous avec eux d'une bonne façon. Le hadith comprend trois phrases, trois parties, qui, chacune d'entre elles, compose un conseil pour le musulman et une voie sur laquelle le musulman doit marcher dans sa vie de tous les jours, dans son comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans son comportement avec lui-même et dans son comportement envers les hommes en général. Premièrement, dans son comportement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire aux musulmans de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en abandonnant les interdictions et les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. Donc, at-taqwa, c'est ce que ça signifie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit at-taqullah, craignez Allah, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire faites ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne et écartez-vous de ce qu'il vous interdit pour vous protéger de son châtiment. Et ça, c'est une parole qui englobe toute la religion en entier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit dans son hadith, craignez Allah là où vous êtes. Et donc, c'est obligatoire aux musulmans de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans tout lieu. Qu'il soit avec les gens, devant les gens, ou bien qu'il soit tout seul. Il n'y a rien qui change en réalité pour le musulman, pour le croyant. Il est pareil. C'est-à-dire, il fait le bien devant les gens, et lorsqu'il est seul également, il fait le bien comme s'il était devant les gens. C'est-à-dire qu'il ne va pas se permettre de faire des péchés lorsqu'il est seul, et lorsque seulement Allah le voit. Celui qui se montre pieux devant les gens, et puis lorsqu'il est seul, il fait des péchés et il désobéit à Allah, eh bien, ça c'est des caractéristiques de l'hypocrite, du munafiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Haythuma kun », c'est-à-dire « peu importe là où vous êtes ». Et c'est-à-dire que le musulman, il ne doit pas regarder les gens, il ne doit pas craindre les gens, il doit uniquement craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit savoir que même lorsqu'il est seul, Allah subhanahu wa ta'ala connaît son état et connaît sa situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit certaines personnes justement qui craignaient uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui craignaient plutôt uniquement les hommes et qui ne craignaient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsqu'ils étaient en privé, ils se permettaient de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit yastakhfuna min al-nas, ils se cachent des hommes, wala yastakhfuna min Allah, et ils ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire. Et bien entendu, personne d'entre nous sait se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pour dire qu'ils ont plus peur des hommes que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, on peut expliquer dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué, il nous ordonne de le craindre, peu importe où on est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que al-ihsan c'est justement ça. Premièrement, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si nous on le voyait, et si on n'arrive pas à ce degré-là, Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit. Puis, il y a un point important aussi à comprendre, c'est qu'on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala peu importe où on est. Et pas seulement dans les pays musulmans. Il y en a des musulmans qui disent, dans nos pays, on va pratiquer l'islam comme il faut. Puis quand on est dans un pays de kufr, on peut se permettre de faire des péchés, de faire des choses haram, parce que c'est pas un pays musulman. Et ils vont dire qu'il faut appliquer notre religion, notre pratique de la religion selon le contexte social dans lequel on vit. Et donc, à cause de ça, ils vont chercher des fatwas pour voir le halal qui est haram, pour suivre leurs désirs et leurs passions, pour essayer de se permettre de faire tout ce qu'ils veulent faire, qui est interdit dans la charia de l'islam. Ou bien pour satisfaire les koufars, pour qu'ils soient satisfaits des musulmans dans le péché. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui est interdit. Et le musulman, il ne doit pas être comme l'animal qu'on appelle le caméléon, qui change de couleur selon l'endroit où il est, ou selon le lieu. Hein, c'est pas quand il est dans un pays musulman, il devient pieux, et quand il va dans un pays non musulman, il change, il se permet de faire ce qu'il veut devenir, de suivre la couleur de l'environnement ou du contexte. Ça, c'est pas l'attitude du vrai musulman. Le vrai musulman, il crée Allah et il pratique sa religion, peu importe où il est, et il ne fait pas de compromis dans sa religion. Et dans ce hadith, il y a aussi un troisième point, c'est-à-dire un deuxième point, c'est-à-dire le comportement du musulman envers lui-même. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque tu fais un péché, fais-la suivre par une bonne œuvre, parce que ça va effacer ce péché-là. Et donc, Allah mentionne ça dans le Coran, inna al-hasanat yudhibna al-sayyi'at. Les bonnes œuvres que tu fais effacent les péchés. Donc, lorsque quelqu'un a commis un péché, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il se repent et puis il commence à faire plus de bonnes œuvres pour effacer le péché qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre chaque prière, et d'un junoua à un autre, et d'un ramadan à un autre, il y a une expiation pour les péchés, tant que tu t'es écarté des grands péchés, des péchés majeurs. Donc, le fait de faire des bonnes œuvres, ça efface les péchés. Donc, il ne faut pas perdre l'espoir lorsque quelqu'un a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés de la personne qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est le cas pour le mushrik et le kafir, le juif ou le chrétien ou la personne qui fait du shirk, qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui rejette la foi, si lui, il se repent à Allah et il croit en Allah et il dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » et qu'il accepte l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés du moment qu'il accepte la foi. Alors si c'est le cas pour le kufr et le shirk, alors que dire des autres péchés qui sont moins graves que le kufr et le shirk. Et la troisième partie de ce hadith, c'est le conseil pour le croyant entre lui-même et les hommes, hein, comment il doit agir avec les autres, et c'est-à-dire d'agir avec un bon comportement. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ الْحَسَنِ. D'avoir le bon comportement avec les gens, d'avoir le sourire, de regarder les gens avec le sourire lorsqu'on leur parle, d'être patient avec eux, de ne pas se mettre en colère lorsque les gens nous font du mal ou lorsque les gens nous insultent, d'être patient et d'être indulgent avec eux aussi, de leur parler avec une bonne parole et d'agir avec eux d'une bonne façon. Ça, c'est quelque chose que le musulman doit faire. Et Allah a décrit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, comme, en disant qu'il avait un très grand, un très noble comportement. Et à cause de ça, justement, il a réussi à influencer beaucoup de personnes par son comportement. Et même ses pires ennemis, les gens qui le détestaient le plus, eh bien, ils sont devenus ses alliés. Ils ont supporté sa cause, ils l'ont défendu et ils ont combattu le shirk et le kufr avec lui durant sa vie et ils sont devenus des croyants à cause du bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut réunir tout ça, il faut réunir toutes ces caractéristiques-là. Et avant de terminer cette khutba, il y a un point que je voudrais mentionner qui est relié à la partie dont j'ai parlé lorsque j'ai dit « Ittaqillah haythu ma kunt ». de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe là où on est. Et c'est un petit point que je voudrais juste mentionner au sujet du hijab et du niqab de la femme musulmane. Parce que de ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui ont parlé à ce sujet-là dans les médias. Il y a des koufars maintenant qui veulent faire une loi pour interdire cette chose-là dans certains pays de kufr. Et donc c'est important de faire comprendre que nous les musulmans, on doit comprendre que cette question du niqab, ça fait partie de l'islam. Le niqab, ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le vêtement des mères des croyants. Hein, les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les femmes des sahaba, radiallahu anhum, elles portaient toutes les niqab. Et c'est quelque chose qui existe dans les textes du Coran et de la Sunna. Et personne n'a le droit de le rejeter ou de le renier. Hein? Et donc, si vous entendez des gens dans les médias qui disent au sujet du niqab que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la religion, alors sachez que cette personne-là, elle a menti au sujet de l'islam, au sujet du Coran et au sujet de la Sunna. Et qu'est-ce qui est étrange de la part des koufars, c'est qu'ils nous disent d'un côté qu'ils sont pour la liberté religieuse, mais que lorsqu'ils trouvent dans notre religion quelque chose qui ne leur fait pas plaisir ou qu'ils n'aiment pas, ils commencent à nous dire qu'est-ce qui fait partie ou qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'islam, comme s'ils se prenaient pour des savants de la religion musulmane. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait partie de l'islam, c'est pas à eux de le décider, hein? Et c'est pas eux qui vont décider pour nous qu'est-ce qu'on peut appliquer ou pas appliquer de notre religion. Le musulman, il doit appliquer sa religion peu importe où il est. Et même s'il est dans un pays non musulman, il doit appliquer sa religion telle que Allah l'a ordonnée. Si une femme, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala, elle veut se rapprocher plus d'Allah et elle veut être plus proche de l'exemple des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a le droit de lui dire qu'elle n'a pas le droit de le faire. Hein? Parce que soi-disant, il faut s'adapter au contexte, il faut faire plaisir à la société, il faut faire plaisir aux koufars qui sont ici, qui n'aiment pas voir ça. Si les koufars savaient qu'est-ce qu'il y a de bien dans le niqab, à force de voir des musulmans qui le font à chaque fois, ils vont commencer à l'accepter et à l'aimer et à l'approuver et à comprendre son importance et le bienfait qu'il y a dedans. Et comme il y a beaucoup de gens parfois qui ont vu des choses comme ça, puis ça a été une cause pour eux dans leur guidance à l'islam. Mais si à chaque fois que les koufars n'aiment pas quelque chose de l'islam, on commence à l'adapter, à le changer, à le déformer, comme qu'est-ce qui se passe actuellement, les femmes musulmanes qui sortent dehors avec les jeans serrés, avec les vêtements qui est très collés sur leur corps moulant, et puis qui mettent un petit foulard sur leurs cheveux, et puis elles disent, moi je veux montrer une bonne image de l'islam. Quelle bonne image de l'islam? La bonne image de l'islam, c'est en pratiquant l'islam, pas en faisant le contraire de ce que l'islam ordonne. Si tu veux donner une bonne image de l'islam, suis l'islam tel qu'il est dans le Coran et dans la Sunna. Mais essaie pas de déformer la réalité de l'islam pour dire, je vais donner une bonne image, parce qu'en réalité, si même pour toi tu penses qu'elle est bonne, sache que ça c'est une mauvaise image. La bonne image de l'islam, c'est de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تليها استو اعتدلوا صوبوا صفوفكم أنتم الصف الأول فالأول سد الفرج لا تختلف فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة laissez un chemin sur le côté droit pour les gens qui arrivent plus tard pour qu'ils puissent rejoindre les rangs derrière. بارك الله فيكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.